Je fais partie de ces jeunes que l'on nomme bad boys. Car la racaille t'as pas de bol. Si tu passes par là, ma couille on t'accueille. Pétate et sale, on se bat les couilles si tu cailles. Je fais partie de ces jeunes qui entre trahissent. Donc j'ai toujours mon schlasse dans ma trousse. Ça fait entrer casse dans ma cour. OP, rationnel. Si les cœurs sont à mes trous, ouais, coco. Si on n'est pas un, on est douze. Ouais, coco. Douze salopards à tous, foutre la merde dans Paris, Brousse et ses alentours. Allons tout niquer, faisons perdre la tête aux gens comme un tourniquet. Je suis un pur négro de la rue, un black streak. Pas de black dont je suis strict. Si tu ris, pas de blé, tel est mon district. 9-4 bois la baie. Je suis aigri, mon ciel est gris. Mes bleus seront les plaies de ceux qui voulaient me aigrir. Je traîne au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. J'ai autant d'ennemis que cowboy au far west. Ma vie à West Indies, malgré ce qu'ils disent. Ma vie, je la maîtrise, m'en fous de ce qui est légal. De mon bénéf, je me régale. Fuck l'utesse. Car là-bas ils savent pas comment on lutte dans nos thèses. Car cela me tienne, je fais mes thunes. Et si je dois te garantir, je traquerai même à la tienne. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, récoltant le respect des miens. Croisé entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. Je persévère la larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, au parleur pour les miens. Entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. La larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. Nos neurones réalisent. Réalise trop tard qu'on s'est fait duper. On a omis de montrer du doigt à l'ennemi. Les carcasses bouffées par le vautour capitaliste. Déambule, testicule au vent, chichi 2. Les barrières dentaires sont traversées de haine. Le dixième apôtre du shaitan en ricane. Chantonner le self-control, un gaspillage de glandes salivaires. Rescapé, croire. Kaira symbolise la réussite. Gloire aux défenseurs d'une éthique de l'attaque organisée en symbiose neuronale. Ça, ambiance de neuromal est donnée. Ça divinise, iblise, l'attitude est blasphématrice. Ça blesse, des centres de glace. On cherche quoi, le matricide. C'est dégueulasse, mon cœur a froid. Mes larmes saignent, perçu, c'est stupide. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, récoltant le respect des miens. Croisé entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. Je persévère la larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, au parleur pour les miens. Entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. La larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. Fuck l'autorité, la solidarité. Plus de moralité, tout niquer c'est la réalité. Ma vie un feu envers ma communauté. Commuter les âmes des frères et sœurs, ma raison de lutter. C'est un discours de non-violence. Car tout se termine par la violence. Les carrés envoient ton esprit divague au gangsta shit. Tu chantes l'assassinat de la vie. Pour qui tu te prends? Je te prends, toi et l'État en même temps. Apprends que notre vie est un match, y'a pas de mi-temps. Mais t'es qu'un hooligan. Hooligan ignorant ce coup les gains. Capitaliste à haine, investi dans l'or. En fous-toi, un pour tous et tous pourris. Non frère, c'est un pour tous et tous pareil. Paré à foutre la merde, paré à s'investir. La vie nous appartient. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, récoltant le respect des miens. Croisé entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. Je persévère la larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, au parleur pour les miens. Entre envie de vivre l'égal et tentation du malin. La larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, récoltant le respect des miens. Croisé entre envie de vivre l'égal. Les tentations du malin, je persévère la larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main. J'écris que mon corps évacue la haine qu'il contient. Je suis qu'une oreille à la misère des autres, au parleur pour les miens. Entre envie de vivre l'égal, les tentations du malin, la larme à l'œil, la main sur l'arme ou le cœur sous la main.